Non, m'peux pas imaginer, ouais. Et c'est eux qui fait moins ça. M'pas te prévoir. Non, c'est te revoir. M'arrêter là. M'en pas contrôle. M'peux pas imaginer. I say, I.